Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. L'agence de notation Fitch a de nouveau mis en garde le Royaume-Uni contre une possible perte de sa note AAA. Après s'être moqué de ses voisins européens, l'Angleterre va perdre son triple AAA, alors ça rigole moins. En même temps, nous, on a le double A ici, donc ouais, bon, ça va. On s'en fout. Le comédien réalisateur français Guillaume Canet, qui tourne actuellement un film aux États-Unis, a fait une étrange révélation. Guillaume Canet, top, préfère le coca en bouteille. N'importe quoi. Irina Shayk, la compagne de Cristiano Ronaldo, a osé faire tomber le haut. Elle a fait une photo topless. Mais le top modèle a un incroyable talent. Irina Shayk fait des cocktails. Sinon, elle est où la photo? L'américain John Mack a fait suspect dans une affaire de meurtre et menacé d'extradition. A été hospitalisé jeudi au Guatemala. Oui, il semblerait que Mack a fait choper un virus. Et pour terminer, si vous aimez les magasins de bricolage et les chanteuses bretonnes, allez acheter un marteau chez Nolwenn Leroy Merlin. N'importe quoi. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Ni oui, ni non, ni Ouais, ça vous fait chier. D'accord, quand on fait ouais, l'hésitation. Ouais, ouais, je sais bien. Allez, c'est pour ça que je le fais. 7h22, c'est parti. Ah, pour l'instant, c'est 50-50 au niveau des votes. Hein. Ah ouais. C'est pas mal, 50-50. Allez, on y va. 3, 4. Audrey. Aline. Ça va? Ça va et toi? Ça va. T'es pas trop fatiguée? Pas du tout. Jamais. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais rentrer dormir. Et toi? Moi, je vais aller travailler. Allez, oh, je vais aller. Ça va, Jean. Bah, genre quoi? On a dit pas... Non. Je vais aller travailler. Non, je vais aller travailler. Brave. Eh oui, Audrey en force comme les Carolos. Eh ben voilà, hein, Audrey dans le mur. Mais hein. Rien à voir. Comme bon, sa voiture à la fin d'émission. Non. Elle sera dans le mur ou dans l'arbre, non, bon, peu importe. Pas, même pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, bah du coup, c'est Aline qui a gagné. Oui, alors qu'il n'y avait que peu de votes pour Aline, comme quoi, tu vois. Ah bah vois, voilà. Hein. Bah, j'en ai eu quelques-uns quand même. Ouais, mais merci pas grand-chose. Hein. Qui ont voté pour moi. Sur moi. Ouais, qui ont voté sur moi. Ouais. C'est ça. Ouais. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Question distanciée, la base de neige, évidemment, ce matin, parce qu'il neige. Bah, oui. Ouais, en fait, je me suis demandé, bah, pourquoi est-ce que quand il y a de la neige, on dit « il neige » et que quand il y a du soleil, on dit pas « il soleil ». Oui, mais ça veut rien dire « il soleil ». Mais ça veut rien dire, parce qu'on t'a toujours dit que ça voulait rien dire. Bon, ouais, non, mais d'accord, mais... Ah bah oui. Bon, écoute, pourquoi on va est-ce que soleillé n'existe pas alors bah, que neigé je sais pas moi. T'as qu'à poser la question. On va aller. Bah, c'est ce que je fais. Bah, on va appeler à Dottini. Tiens, voilà, c'est parti. On y va. On appelle à Dottini maintenant. Allô. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà. En fait, je vous appelle. J'avais une petite question à vous poser. Oui, c'est pourquoi. Dites-vous, vous vous rendez compte de l'heure qu'il est? Mais oui, madame. En fait, je vous appelle parce que je me demandais pourquoi est-ce que quand il y a de la neige, on dit il neige, mais que quand il y a du soleil, on dit pas il soleil. Ouf, elle a du mal à trouver le téléphone, hein, enfin le combiné. Bon, on va la rappeler, hein. Oui, c'est presque mérité, on la rappelle. Retour à Dottini. Oui. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas eu le temps de répondre à ma question. Je n'aime pas. Elle s'est raccrochée au dit elle-même, oui. Donc. Bon, écoute, on va quand même l'appeler, hein, parce qu'on n'a pas entendu ce qu'elle a dit à la fin, c'est dommage. Il y a Audrey à la télé. On me dit, ça va. Arrêtez de téléphoner ou je dépose plainte. Oui, mais. Bah pourquoi elle se raccroche au nez à chaque fois elle-même? Mais je ne sais pas. En plus, elle a menacé de déposer plainte, on va la rappeler. On va voir si elle va aller au bout de... Oui. Oui, mais je ne sais pas ce qui se passe, à chaque fois nous sommes coupés, vous n'avez pas le temps de répondre c'est à la question. C'est moi qui coupe. Maintenant, foutez-moi la paix. Arrêtez de me téléphoner. Oh mon Dieu, finesse. Allez, stop. Encore un. Et vous êtes content? Ah non. Là, là... Arrêtez, elle va craquer. Allez, s'il vous plaît. Non. Oh, Lydia, c'est dégueulasse. Oui. Madame, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. Écoutez, moi je vous appelle juste. Foutez-moi la paix. Mais je vous appelle juste pour vous poser une question. Bah voilà, tu vois, ça ne servait à rien qu'on le rappelle. La pauvre, elle a pété une durite. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio. Le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. C'est parti maintenant, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473 86 0013. Allez, c'est parti, on écoute ça tout de suite. Tu réponds jamais. Alors, rappelle-moi. Ah bah, ça donne envie de rappeler. Ah ouais. C'est sûr. Tu te sens en sécurité si tu rappelles le gars là. Deuxième message. De nouveau Amandine, bah, j'espère que c'est pas un lapin. Parce que sinon il commence à faire froid. Bah, j'aimerais bien que tu me rappelles, ou au moins que tu me préviennes si tu viens ou si tu viens pas, et si tu viens, qu'est-ce que tu as comme voiture. Merci. Bon, eh ben, je peux te dire avec en exclu total, elle ne viendra pas. Voilà, donc comme ça au moins tu sais, hein, moi c'est plié comme ça. Mickaël à la radio, le replay.